le salut accompli pour ses frères, les sauveurs pur esprit au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel attaché. Oh, à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris, et mon péché, il m'a délivré, sauveur, attaché à la croix pour moi, attaché. Et à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris, et mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour mon âme. Il a pris sur lui mes péchés. Il m'a délivré. J'ai la liberté, la paix avec Dieu, la joie de le servir, la joie de vivre sur sa terre, d'entrer dans son repos, la joie de finir dans son royaume. Tout ce voyage est merveilleux, de la terre à la gloire, parce que Dieu en a décidé ainsi. Nous pouvons lire deux portions de la parole, juste dans l'épître de Paul aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. On a condamné Wana et Jalaki Mose, Mokolo, Aboyaki. Kotanga ma mwana na mwasi na falo, aponaki kotumolama na boloji esika moko na bato na Nzambe. Liboso na kosepela na bisengo na masumu bikoumela bobele mwa tango moke. Atangaki ete kotiolama esika moko na Kristo eleki motuya monene na biloko yonso na Egipito. Nzambi ataki miso na ye epai na libonza. Hébreux chapitre 13, verset 11 à 14. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous en cherchons celle qui est à venir. Zambi nganga monene amemaki makilana banyama tati na esika na bule lokola mbeka mpona masumu nde bibembe na bango bitumbamaki na moto na libanda na molako. Bobele bongo te Yesu ayokaki mpasi libanda na ekuke mpona kobulisa bato na nzela na makila na ye moko. Boye tokenda libanda na molako epai na ye. Awa ezali biso kokumba matioli na ye. Nzambi tozali na mboka na seko awa te, kasi tozali koluka mboka elingi koya. A Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Prions. Père de sainteté, ta parole est parfaite. Maintenant que tu nous donnes l'occasion de pouvoir nous tenir devant Dieu par la prière et la méditation, par la vérité et ta puissance, nous te disons grand merci. Nous voulons que tu communies avec nous et que tu nous enseignes de ta vérité et les profondeurs de Dieu nous pénètrent pour nous faire ressembler à Jésus-Christ, que nous soyons de vrais chrétiens par expérience, par révélation et non pas par prétention. Fais grâce à chacun de nos prières et bénis notre marche ensemble avec toi, que la terre ait la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Dieu de vérité. Amen. Amen. Voilà, nous allons partager quelques paroles d'exhortation. Pas très long, mais c'est juste quelque chose qui serait bien. J'espère que c'est le cas. Comme Moïse, acceptons l'opprobre de Christ. Comme Moïse, le grand prophète d'autrefois, acceptons l'opprobre de Christ. Il y a une grande rémunération rattachée à cela. Comme Moïse, acceptons l'opprobre de Christ. Nous ensemble et chacun pour sa part, chacun dans la marche personnelle avec Dieu, acceptons l'opprobre de Christ. Acceptons la honte à cause de la parole. Ne soyons pas confus. Ne soyons pas découragés. Ne nous désorientons jamais. Ne désespérons jamais. Ne nous fatiguons jamais. Mais comme Moïse, acceptons le propre de Christ. Dieu avait dit à travers Marc chapitre 8, comme le Seigneur avait appelé les siens, il a dit ceci, Marc 8, verset 34, à 38. Oui, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'ordre donné pour chacun individuellement. Et tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ doivent remplir chacun ce critère. Pour se mettre à côté de ceux dont les aspirations et les convictions marcher ensemble avec ceux qui partagent ces convictions sacrées, pouvoir renoncer à soi-même, se charger de sa croix et suivre Jésus-Christ. Nous sommes frères pour ça. Et nous sommes frères et sœurs par ça. Si quelqu'un parmi nous ne veut pas de ça, il ne veut pas être disciple de cette manière. Mais en réalité, il n'est pas un vrai frère. Il n'est pas une vraie sœur. Mais nous sommes frères et sœurs. Appelés du nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons à aller au ciel un jour bientôt. Chacun doit avoir renoncé à soi-même. Chacun doit avoir accepté de se charger de sa croix. Et chacun doit avoir accepté de suivre Jésus. Pour que Jésus-Christ, l'Esprit de vérité, soit son guide, son conducteur par sa vérité. Cela fait de nous de vrais frères et sœurs. Il n'y aura pas de conflit d'intérêts. Il n'y aura pas de compréhension inutile. Mais nous serons frères pour nous comprendre. Parce que dès le départ, nous avons les mêmes aspirations. Nous avons les mêmes convictions. Et nous avons la même détermination. Nous ne voulons plus de nous-mêmes. Nous voulons de Christ à nous. Nous ne voulons plus de notre vie passée. Nous voulons de la vie de la parole. Nous ne voulons plus marcher comme bon sens, la volonté de Dieu. C'est ce qui fait de nos frères et sœurs. Jésus a appelé et ses disciples et la foule. Comment nous pouvons être ici, mais tous nous sommes pas ici. Tous nous portons peut-être nominalement les frères. Mais Dieu connaît la vie secrète de chacun. Le comportement caché de chacun. Tout est découvert devant Dieu. Nous n'avons pas cherché de fouet pour aller couvrir les gens. Et leur demander heure après heure, que fais-tu maintenant? Mais il y a un Dieu là-haut que le cœur doit craindre. Il est l'auteur de l'évangile éternel. Il est le royaume éternel. Et il est inébranlable. Celui qui en connaît la valeur, il sera à soi-même. Pour gagner ce qui est plus précieux. Mais Dieu a pour nous mieux que ça. Et si nous voulons l'hériter, nous devons chacun renoncer à soi. Moïse a dû être confronté devant ces choses, il a pris la décision honorable de renoncer à soi-même, à toutes ses ambitions, à tout devenir heureux, il devait choisir la volonté de Dieu, le chemin de mépriser l'Israël. Chacun de nous doit faire pareil. Que Dieu nous aide. Le Seigneur a appelé la foule et les disciples. Et il leur a dit à tous la même chose. Même si tu es déjà compté parmi les disciples. Même si tu es encore du groupe de la foule. Dans la grande corbeille générale. Ici la parole s'adresse à chacun. Si quelqu'un veut venir après moi, quelle que soit ta situation, il doit renoncer à toi-même. Accepte de te charger de ta croix. Jésus-Christ a porté la sienne. Toi aussi, tu dois porter ta croix à toi. Et puis le suivre. Qu'il soit ton conducteur. Par sa vérité. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Nous acceptons le problème. Nous acceptons l'apparence d'échec. C'est devenir un chaos devant les gens. C'est devenir rien devant les chemins. Car nous voulons sauver notre vie. Et gagner une vie excellente et meilleure. Avec Christ en Dieu. Qu'est-ce que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et nous devons fonder tous nos espoirs sur les avoirs de ce monde. Sur le mondial, universel, le national, urbain, ou dans le quartier, devenir une star, une étoile brillante, une vedette, et d'avoir beaucoup de gloire, la popularité, la considération, être vénéré devant les est-ce quelque chose de spécial pour les gens? Tu peux gagner tout ça ici-bas. Mais cet homme debout n'est qu'un souffle, dit la Bible. À la fin de tout, Dieu va retirer le souffle et ton corps retournera dans la honte sur la terre. Et tu n'avais rien à porter sur la terre. Il est évident que tu n'en porteras rien. Même pour t'habiller, il faut le secours des autres. Même les choix des habits. Ce sont les autres qui les feront à ta place. Tu n'auras plus l'occasion d'aller dans un magasin. C'est vous préférez. Tes griffes. Mais tu adores, que tu admires. Ce sont les autres qui trancheront. Pendant que tu en as l'occasion, comme Moïse, acceptons le propre de Christ. Choisissons le chemin de l'évangile. L'évangile surnaturel est éternel. Acceptons là où il y a la vie éternelle. Recevons la vie qui est dans la parole. Vivons par cette victoire. Car le monde avec ses trésors. Qui n'a pas besoin de nous, passera, passera, et il nous faut mieux que ça. Et si on a vu le temps est plein de transitions, rien sur terre ne peut rester, espérant des choses éternelles. Car le muable main de Dieu. Frère, ma soeur, tiens le muable main de Dieu. Chaque jour, tiens le muable main de Dieu. Espérons des choses éternes. Alléluia. Tiens le meilleur blâme de Dieu. Tiens le meilleur blâme de Dieu. Et vous, Église, tiens le meilleur blâme de Dieu. Espérons des choses éternes. Et ne passe pas, tiens le meilleur. Quand s'achèvera ton voyage? Si tu étais connu. Tu étais lié à Dieu. Ton âme ravida. Trouvera une belle demande. Alléluia, tiens le meilleur blâme de Dieu. Oh oui, tout le monde, tiens le meilleur blâme de Dieu. Oui, espérant mais qu'il ne passe pas, tiens le meilleur blâme de Dieu. Le technique. Moi je tiens déjà. Avec la parole jusqu'au bout. Moi je tiens déjà tout le temps. Et que serait-il à un homme de gagner le monde entier. Il perd son âme. Mais si tu étais fidèle à Dieu, quand tu verras ton voyage, ton âme sera ravie dans la gloire. Elle ne sera pas dans les troubles et la perdition. Elle sera ravie dans la gloire. Et tu auras une belle demeure. Éternelle. Une demeure éternelle. C'est que la Bible a dit, dans Corinthiens 5, verset 1, c'est notre temps dans lequel nous habitons ici-bas. Nous en avons une autre. Qui n'est pas de cette création. Nous en avons une autre là au ciel. Nous avons une demeure éternelle. Il n'est pas fait si demain. Oui, c'est la vérité de l'évangile. Acceptons le propre de Christ. Acceptons la honte ici. Car Dieu nous réserve mieux là-bas. Bon courage, frères et sœurs. Et que donnerait un homme en échange de son âme? La question est posée. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère pécheresse, avoir honte de lui, Jésus. Et honte de son message. Et honte de sa parole. Et mais le message de notre temps, c'est la parole de Christ. Quels que soient les foutards qui font n'importe quoi, nous ne pouvons jamais avoir honte de message. De nous identifier à lui. Il y a des farceurs qui font des amendements. Nous devons être fiers de ce message. Nous gardons le véritable message biblique. Dans sa vérité continuelle et éternelle. Sans confusion, sans contradiction. Le message de la Bible. Oh, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Voyez ça. Romani. N'ayons pas honte. Tous acceptons le problème de Christ. Tundi ma soni à Christ. Acceptons d'être humiliés, indexés Christ. Tundi ma vatel sa soni sa piva sur la gloire de Christ. Ignorer même. Kutu vabo ya vabo. Minimiser et tout. Bakit sa soni manso. Acceptons. Tundi ma. Pour que sa couronne demain brille fort. Oui, c'est mon tour na yolobi yenge kama kasi. J'ai dit que Moïse a dû être confronté à un choix similaire. Moïse a kuta na kina lipono yewe koka na woyo. De choisir entre les prestiges d'un avenir heureux et radieux. Sur la terre des hommes. De tourner mon kina bato. Et l'opprobre de Christ. De tourner la Christ. Aux côtés des esclaves minimisables. Ma peine na baumbo va sur la manga kito na manga. Dont l'avenir n'avait rien envié selon les humains. Ba lobi na bango zagi loko ya komune ya malunga te kuto la bato. Une Je les conduirai dans un pays de bonheur où coule le lait et le miel. Un pays qui leur appartiendra pour l'éternité. Mes chers amis, ne regardez pas les apparences actuelles, ni les conditions de vie actuelles, ni le standing de vie par lequel tu passes. Regardez au-delà de ces voies. Il y a les promesses d'un monde meilleur, d'une éternité de bonheur. Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Acceptons son message. Amen. Et mon sa parole. Tellement ferme jusqu'au bout. Il a dit, c'est par la foi. Hébreux 11, nous avons lu verset 24. Verset 6. C'est par la foi que Moïse est venu grand. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a refusé l'identité d'un prince. D'être un prince en Égypte. Il a refusé ça. Voyez-vous ça? Le prestige de la gloire, les honneurs qui allaient avec ça. La qualité d'un prince en Égypte. Et voir un humain qui rencontre les mêmes difficultés terrestres que vous et moi. Qui affronte les mêmes épreuves de la vie terrestre ici. Mais refusez ça. Pour choisir la parole. Pour choisir la volonté de Dieu. Pour choisir le message de l'heure. Pour choisir la parole référée. Ils ne sont pas nombreux. C'est un petit groupe. Mais soyez l'un d'eux. Comme Moïse, acceptons le problème de Christ. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Aller avoir la jouissance de l'incrédulité, d'une vie de désobéissance. À quoi bon avoir des privilèges et les honneurs venus des humains, tous mortels ouvriers d'iniquité. Moïse a dû choisir les bons côtés. Et Dieu ne l'a jamais oublié. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Donc cet opprobre de Christ que je vous invite à accepter, apporter, hein, et est d'une valeur plus grande que tous les trésors du monde entier, que la réserve fédérale d'or et la réserve vaticane d'or et de l'argent et du diamant, de pierres précieuses. Chers amis, le propre de Christ vaut de l'eau mieux que cela. Ne vous laissez pas impressionner par ce qui frappe les regards. Les choses visibles sont toutes partagées. Mais les choses invisibles auxquelles les humains ne font pas attention, voilà les choses éternelles. Et nous chantons espère en des choses éternelles. Dieu en possède. Et il vous les garde en réserve. Moïse regarda le propre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moi aussi, Dieu a dit que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Cette promesse tient encore d'actualité maintenant. Votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. 1 Corinthiens 15, verset 58. Votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Moi, je veux m'accrocher à la promesse de Dieu. Je veux faire pour lui tout du mieux que je peux. Et lui-même me récompensera. Car mon travail en lui ne sera jamais inutile. Il sera rémunéré par celui qui est le rémunérateur de ce que les chers. Dans le serment être conduit, monsieur le 7 décembre 1975, le paragraphe 279 et 280, être conduit. Mais voici Moïse, un serviteur fidèle qui avait regardé le propre de Christ comme des trésors plus grands que toutes les richesses de l'Égypte. C'est la vérité. Moïse l'a fait propre, l'homme le reconnaît. La Bible l'a dit, nous savons et croyons que c'est vrai. Moïse a considéré le propre de Christ comme étant une richesse plus grande que toutes les richesses de l'Égypte. Il est arrivé au bout du chemin, lui un vieillard de 120 ans. Écoutez, il est monté sur la montagne en sachant que la mort était devant lui. Et il a promené ses regards sur le pays promis, le fameux pays où coulait le lait et le miel. Il a regardé, mais à son côté s'est trouvé son conducteur, le locher. Donc il n'a pas regardé son pays là de lui-même, par ses propres efforts ni recherches personnelles, mais son guide, son conducteur, c'est lui qui l'a amené à cette visite éclairée. Il lui a fait regarder le pays du sommet d'une montagne. Et voilà, tu n'as pas prêché en vain. Tu n'as pas espéré en vain. Tu n'as pas travaillé en vain. Voici le pays dont je t'ai parlé. Voici le pays dont ton message a parlé à Israël. Oh, mais tu ne pourras pas y entrer. Ton conducteur, le rocher, était à ses côtés. Oh, quel moment, quand la mort s'approche de nous, quel privilège que d'avoir notre conducteur à nos côtés, d'avoir les rochers de notre vie, les rochers de notre salut à côté de nous-mêmes. Quand on sait que la mort approche, c'est l'heure du départ. Au lieu de commencer à se questionner, pêle-mêle, vaille-que-vaille, mais voici ce que tu as un berger, un conducteur qui te conduit en vérité. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée et l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton sont avec moi. Ce que David a dit, Moïse l'avait déjà vécu, et toi aussi et moi, nous devons le vivre. Quand sonnera l'heure du départ, nous devons partir d'ici comme des lâches. Mais nous devons partir en héros vainqueur, sachant que nous avons été fidèles et que nous finirons bien. Et que notre éternité est garantie dans la gloire. Qu'il en soit. Regardez Moïse. Voici Moïse. Un serviteur fidèle. Qui avait regardé le preuve de Christ. Comme le trésor plus grand que toutes les choses. Il est arrivé au bout du chemin. Lui, un vieillard de 120 ans. Il est monté sur la montagne. En sachant que la mort était devant lui. Et il a promené le regard sur le pays promis. Il a regardé. Et à son côté s'est trouvé son conducteur. Le rocher. Il est monté sur les rochers. Et les anges de Dieu l'ont emporté dans la gloire. La gloire de Dieu. Dans le sein de Dieu. Pourquoi? 800 ans plus tard. Il est toujours conduit par son conducteur. Et là on parle de son apparition sur la montagne de la transfiguration. Apparition qui s'est produite 800 ans plus tard. Des centaines et des centaines d'années plus tard. Abraham dit même 800 ans. Mais en réalité, c'était plus que 800 ans. Parce que Moïse a vécu autour des années 1450 avant Jésus-Christ. Même la marche d'Israël hors d'Égypte. C'était environ 1500 ans avant. Mais les autres prophètes comme Esaïe, donc comme Abraham nous dit souvent 712 ans avant, Esaïe a vécu 712 ans avant Jésus-Christ, souvent Abraham le répète, mais regardez Moïse, c'est plus de près de 1500 ans. Imaginez, si on doit sonder l'histoire, mais il était toujours conduit par ce même conducteur là. Pensez-y. Nous le retrouvons sur la montagne de la Transfiguration. Debout là avec Élie. En train de parler à Jésus. Avant qu'il aille à la croix. Nous retrouvons le même Moïse. Qui n'était pas entré dans le pays promis. Mais où Dieu l'a conduit en visite éclairée. Mais toutes les limites du pays regardent. Là, c'est ça le pays que je donne à la postérité d'Abraham. Le même Moïse, on le retrouve les deux pieds sur la montagne de Transfiguration. Dans le même pays promis. 800 ans plus tard, entendez bien, près de 1500 ans plus tard. Même plus d'un millénaire après, vous nous faites des propres promesses. Même si tu meurs aujourd'hui et que tu as 1000 ans du règne de 1000 ans, ce que Dieu t'a promis, tu l'auras. Nous le retrouvons sur la montagne de la Transfiguration. Debout là avec Élie. En train de parler à Jésus. Comme on l'a illustré hier, vous savez. En train de parler à Jésus. Avant qu'il aille à la croix. Avant que Jésus n'aille être crucifié. Moïse est venu lui parler. Quel moment. Oh, c'est terrible l'affaire de Dieu. 800 ans après sa mort. Celui pour qui il avait regardé. Celui pour qui il avait regardé l'opprobre de son ministère. Comme étant le trésor plus grand que toute la popularité du monde. Et tout l'argent du monde. Moïse. À cause de Christ. Et pour Christ. Il avait considéré l'opprobre de Christ. Comme étant des plus grands trésors. Que toute la popularité du monde. Que tout l'argent du monde. C'est l'opprobre de Christ. Christ. Vaut des lois de Dieu. Il faut que ceci te soit révélé. Pour que tu arrêtes trop de te défendre. Et de ne faire que te battre pour des droits à ceci. Sache que ce que Dieu te propose est de le mieux. Ce que tu rates ici-bas n'est rien dit. Si tu as tenu à voir que ceci, ce n'est pas venu. Gloire à Dieu. Si tu as voulu couper avant que ceci, ce n'est pas venu. Gloire à Dieu. Parce qu'il te donnera en récompense de ta voix. Pour de loin mieux que toute la popularité du monde. Pour de loin mieux que toutes les richesses et tout l'argent du monde. Dites Amen. Je veux qu'une âme dise Amen. Une âme qui veut finir là-bas. Le royaume éternel est en train de. Oh mes chers amis. Daninga. Ça vaut la peine de les servir. Vous voyez. C'est celui pour qui. Lui Moïse avait regardé le propre des sous-ministères. Comme des trésors plus grands que toute la popularité du monde. Et tout l'argent du monde. Même si les amis s'abandonnent. Même si les êtres chers s'en vont. À cause de sa position dans la parole. Ne baisse pas les bras. Continue à combattre pour le président. Même si tu ne resteras que tout seul, ne renonce pas à ta foi. Garde les mêmes convictions. Il y a un Dieu là-haut que le cœur doit craindre et qui récompensera ceux qui le cherchent. Écoutez, son conducteur le conduisait toujours. Oh là là, et il a été conduit. Son conducteur, il l'a conduit à travers la mort. À travers les ombres de la mort. Il a été conduit à la tombe. Des centaines d'années plus tard, il s'est tenu de nouveau là. Parce que jeune, il avait choisi la conduite du Saint-Esprit. Parce que jeune, quand il était jeune, il s'est tenu de nouveau là. Non pas la conduite sentimentale. Non pas la conduite émotionnelle. Non pas la conduite politique ou tribale. Politique ou tribale. Mais la conduite du Saint-Esprit. Non pas la coutume. Non pas les traditions. La conduite par tradition et coutume. Mais la conduite du Saint-Esprit. Choisissons ça. Renonçons à nous-mêmes. Chargeons-nous chacun de sa croix. Et vivons Jésus comme connu. Vivons Christ comme connu. Son nom, le nom de Moïse. Son nom sera grand. Quand il n'y aura plus ni Égypte ni trésor. À cause du choix historique et mémorable qu'il avait opéré là. Quand il était jeune et qu'il pouvait pencher vers les passions de la jeunesse. À cause de ces choix-là, d'avoir considéré le propre de Christ comme étant plus valeureux que tout l'argent du monde, que toute la popularité du monde. Alors Moïse, quand il n'y aura plus l'Égypte, quand Dieu aura anéanti l'Égypte, comme il a dit, on l'a rappelé hier, dans toutes les nations où l'Égypte est dispersée, seront anéanties. L'Égypte est du nombre et sera anéantie. Quand il n'y aura plus l'Égypte, ni de trésors, le nom de Moïse sera grand. Amen. Quand les pyramides seront poussiées. Et que l'Égypte ne sera plus l'Égypte. L'Égypte. Moïse sera immortel parmi les hommes. Parce qu'il a accepté d'être conduit par Christ. Plutôt que de suivre la voie que son église suivait. Au lieu de suivre la voie charnelle, les tendances charnelles, le comportement charnel, les habitudes charnelles, que l'on retrouve dans l'église locale. Choisissez la conduite des saints. Mon frère, ma soeur, chacun de nous, choisissons et acceptons le problème. Préférons être conduits par le Saint-Esprit. Quand vous êtes conduits par le Saint-Esprit, vous ne vivrez pas selon la chair. Galates 5, 10. Vous n'accomplirez plus les œuvres de la chair. Vous n'allez pas copier un membre d'église charnelle, parce que lui a mis les mèches, parce qu'il a mis les plantes sur sa tête, parce qu'il a mis les produits cancérigènes détruisant sur ses mains. Moi aussi je ferai comme lui. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui il a crié à longtemps, je l'ai vu prendre de la bière. Oh, il fumait la cigarette. Mais c'est un homme charnel. Il n'a pas encore renoncé à lui-même. Il ne peut pas devenir son modèle. Notre seul divin modèle, c'est Christ. Quel soit ton guide, quel soit ton leader, quel soit ton modèle, quel soit ton Dieu, c'est lui que ton cœur aime et adore. Voulez-vous vraiment que Dieu vous bénisse? Hein? Nous n'avons pas, ici pas une cité permanente. Comme Hébreux 13 dit là, les corps des animaux, quand ils doivent être consumés, pour être présentés à Dieu, pas dans le camp, on les amenait en dehors du camp. Et c'est à cause de ce principe légal, de la loi divine, que Christ aussi, pour sanctifier le peuple, par son propre sang, a dû souffrir hors du camp. On l'a mis hors de la ville sainte de Jérusalem. Et c'est à la porte là-bas. On l'a crucifié à la porte d'entrée de Jérusalem. Pour ne pas fuir la ville. Mais c'est là-bas que le Père devait agréer le sacrifice. Nous aussi, nous voulons que Dieu nous agrée. Allons donc avec lui. Allons à sa rencontre. Lui, Jésus-Christ, avait porté sa croix. Qui avait renoncé à lui-même. Qui avait renoncé à sa propre volonté de ne pas mourir. Mais il a choisi la volonté de Dieu qui le voulait pas. Allons à lui. Allons à sa rencontre. Hors de nos camps. Hors de camp de nos amis. Hors de nos cartels religieux. Hors de nos tendances groupistes. Sortons de ces choses-là. Si les branamistes construisent un camp, sortez les milliers. Si les franquistes ne viennent un camp, sortez les milliers. Acceptons le problème d'être comme des sans identité par rapport au plan de la terre ici. Êtes-vous avec moi? Vous allez me dire, êtes-vous ton ami? Nous allons nous si le conneriste sont un cas, nous sommes sortis. Êtes-vous franquiste? Vous allez monter la France. Si les franquistes sont un gars, nous sommes tous les milliers. Êtes-vous non tonneriste? Vous allez monter la France. Si les tonneristes sont un gars, nous sommes tous les milliers. Alors on dit, mais qui êtes-vous finalement? Nous sommes chrétiens sans le Jésus. Christ, et pour qui pour la vie de nous voulons être comme Christ. Nous voulons être comme Christ. Tout c'est dit, c'est ma fabrique ici. C'est la honte et la mort. Nous voulons l'identité de la parole. Est-ce que ça ne vous suffit pas comme ça? Sortons de ces cas-là. Ils aiment construire les gens. Nous sortons de là. Christ lui-même a arrêté, rejeté par tous. Le camp des Sadducéens l'a rejeté. Le camp des Pharisiens l'a rejeté. Le camp des Épicuriens l'ont rejeté. Le camp des Stoïciens l'ont rejeté. Le camp des Zélotes, les politiciens l'ont rejeté. Le camp des Romains l'a rejeté. Et la Belgique l'ont rejeté. Mais il était pour quiconque croit en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est la victime expiatoire pour le péché de ceux du monde entier. Nous nous l'aimons comme ça. Alors, les camps des Branhamistes l'ont rejeté. Le camp des dénominations l'ont rejeté. Le camp des franquistes l'ont rejeté. Ils ont leur système, ils ont leur grammes. Les gens qui vénèrent par lesquels ils vivent, par lesquels ils veulent identifier les autres. Nous voulons le Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit et le remplissage du Saint-Esprit. Veux-tu ça? Là, tu es mon frère. Nous avons les mêmes aspirations. Nous avons les mêmes convictions. Au lieu d'entrer dans les histoires fabriquées par les hommes, d'être identifié dans les cartels, où c'est les regroupements de ceux qui se retrouvent à tel endroit. Chaque fin de mois, ils font ceci. Et c'est une routine où chaque semaine, ils font ceci. C'est devenu leur identité. Notre identité à nous, c'est le Saint-Esprit. Nous voulons appliquer le signe. Je te coordonne le message. Appliquez le signe. Obéissez au message. Toutes vos autres histoires là, vous pouvez vous voler. Tant d'importance, ça ne compte pas pour Dieu. Dieu veut que dans l'homme, l'Esprit de Dieu donne la planète. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Qu'on soit dans ce camp ici, dans le camp des tonneristes, identifié comme tonneristes, dans le camp des non-tonneristes, identifié comme non-tonneristes, dans le camp des branhamistes, identifié comme adorateurs de Branham, dans le camp des franquistes, qui ne jurent que par Matthieu 24-35, et le camp des francs comme les absolus. Toutes ces confusions. Nous, nous voulons la conduite des saints de Dieu. Ça va attirer l'opprobre, mais Dieu va nous récompenser. Voulez-vous être sincère? Voulez-vous être sincère avec vous? Voulez-vous que Dieu vous bénisse? Allons à Christ là. Allons à lui, aujourd'hui. Emportez son opprobre. N'ayons pas honte de son nom. N'ayons pas honte de son identité. De nous identifier à Jésus-Christ. Comme si c'est dépassé, comme si c'est démodé, mais à la mode actuellement, c'est pour l'amour franc et tralala. Loin de là, Jésus-Christ est le nom éternel de la vie. Il est toujours la fierté de ma foi. Il est mon ami du calvaire. Il est le trésor de ma vie. Il est le rocher de ma foi. Qu'il soit tout pour toi. Lève-toi pour la prière. Jésus, l'ami qui est toute chose pour moi, ça aussi trouble. Ok. J'ai trouvé. Oh non, non, la gamme n'est pas bonne. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le prix beau d'entrée 10 000 pour mon âme. Oh, il est le liste et la valise. Nous allons prendre sur les 183. Voici tellement numéro 6. C'est 183, je crois. Ça devient trop loin. C'est 80, non, c'est 83. Tu vois seulement numéro 83. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est autre chose pour moi. Mais le pays dans oh, il est le lait de la vallée, et en seul jeune ma purification est passée. Mon réconfort, dans le peine, appris dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque chose. Alléluia, la brillante étoile du matin, celui de la vallée, c'est le plus beau d'entrée du mille pour moi. Mon réconfort, dans le peine, appris dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque chose. Alléluia, brillante étoile du matin, elle était la vallée, c'est le plus beau d'entrée du mille pour mon âme. Il a pris et porté ses fruits, son exauce ses peines, sa toute force puissante dans les tentations. Pour lui, je t'ai abandonné, et au sein de mon cœur, les idoles par sa présence, il m'est. Oh, même si elle est bon, abandonne, oh, que ça t'en mettons, car je veux jamais, purement le but. Alléluia, c'est un peu du matin, que l'été la vallée, c'est le plus beau dans ces dîmes pour moi. Oh, même si elle est mort, oh, qui s'attend maintenant, par Jésus, j'attends sûrement le but. Alléluia, la brillante étoile du matin, le lit de la vallée, c'est le plus beau dans les dîmes pour mon âme. Qui ne me quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fais sa volonté. Amen. Que des faits autour de moi, maintenant je n'ai qu'un rien. Donc, ma femme s'est nourrie et sa main. Et nous, la paix dans le corps. Verrons sa face et la journée. Colle le feu des délices. Alléluia. Et en tes de matin, c'est la vallée, c'est le prix bon, c'est 10 000 pour mon âme. Et nous, affirons la joie, c'est en sa passe bénie, à aujourd'hui, coule le fait des délais. Alléluia, après en tes poches de matin, prions chacun maintenant un mot de prière à celui pour qui nous devons accepter l'offrande. Toutes sortes d'épreuves, de combats, d'humiliation, d'insultes. Pour lui, il est le rémunérateur de ce glissement. Dieu existe. L'Andazali. Il est le rémunérateur de ce que les chers. Si tu veux un jour être compté parmi les immortels, comme Moïse, et le grand nom comme Moïse, faisons un choix similaire. Prions chacun. Dieu merveilleux, notre Père céleste, à toi nos hommages et l'adoration de nos cœurs, pour ce grand privilège que tu nous as donné ce soir, invoquons que ton nom ait été supplié, d'adresser nos prières, requêtes et supplications, Seigneur, tu es Dieu en vérité. C'est toi qui donnes suite à nos demandes. Toutes les requêtes que tes enfants adressent à toi. Nous te prions d'entendre et de donner suite. De secourir et de soulager. De consoler et de visiter. De remplir surtout les saints. Car notre vie ici-bas n'a pas de sens. Parce que nos cœurs ne sont pas remplis de Saint-Esprit. Nous voulons Christ au-dedans de nous. L'espérance de la gloire. Prends soin de chacun. Qui veut marcher fidèlement pour toi. Qui accepte le propre de Christ. Considérant cela comme une plus grande richesse. Que toute la popularité du monde. Que tout l'argent du monde. Fais grâce que nous changeons de vision. Que ceux qui sont charnels deviennent spirituels. Que chacun renonce à soi-même. Que le vieil homme meure complètement. Et que la vie nouvelle domine. Paraisse. Et nous conduisent chaque chose. Soit les rochers de notre vie. Ce conducteur dont nous avons besoin. Même quand la mort approchera. Que ce soit le rocher de notre vie. Le berger de nos cœurs. Le compagnon fidèle. L'ami fidèle et tendre. Tiens-toi près de nous, Seigneur. Et fais-nous du bien chaque jour. Bénis bien cette église chaque jour. Réveille-nous de tout sommeil. Délivre-nous de tout fanatisme, de tout esprit des clans, de tous les ismes que le monde a fabriqué. Nous voulons l'identité chrétienne. Être identifié à toi seul. Et ta parole nous suffit. Ton message nous suffit. Pas les doctrines spéciales que les gens ont pas prédiquées. Mais nous voulons l'esprit de vérité. L'esprit du message. Le message. Biblique, la parole qui demeure éternellement, soit les soutiens dans les combats, soit les réconforts dans les épreuves, et donne victoire à chacun, au nom puissant de Jésus-Christ, notre gardien. Nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu soit loué.